Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En octobre 1797, à Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, Jean-Baptiste Coinon installe une maison d'éducation. C'est le Collège de la Marche qui prend le nom d'Institut National des Colonies. Oui, la République française, le régime est alors le directoire, souhaite éduquer les enfants de la colonie de Saint-Domingue. Toussaint Louverture, ancien esclave, devenu héros de l'émancipation des Noirs, y envoie deux de ses enfants accompagnés de cinq autres jeunes Noirs. Le 11 Brumaire en 7, autrement dit, le 11 novembre 1797, le tableau général du goût des modes et costumes de Paris publie un entrefilet sur l'instruction publique. Le cinquième jour complémentaire, et oui, ce n'est pas le même calendrier, il y eut un exercice public des élèves noirs, sans mêlée et créoles blancs. L'assemblée brillante et nombreuse de personnes des deux sexes offrait une variété intéressante des trois couleurs réunies. Sur le contour de la salle était exposé le dessin et les pièces et d'écriture qui attestent les progrès des élèves. Au milieu, on voyait le portrait du général noir, Toussaint Louverture, dont les enfants sont au nombre des élèves. Nous étions en 1798. Quelques années plus tard, le 7 avril 1803, c'est dans le froid d'un fort du Jura que meurt Toussaint Louverture. Mais ses idées restent là. Et la légende se développe, une légende qui existait déjà. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux expériences républicaines. Expériences républicaines dans l'Antiquité, oui, la République romaine. Expériences républicaines au Moyen-Âge également, les villes, les cités qui deviennent des républiques, avec toujours cette difficulté à définir ce qu'est la République, la chose publique. Mais pour réfléchir aux expériences républicaines, il est sans doute nécessaire de quitter ce regard européen et de voir les expériences ailleurs. C'est le cas dans les îles avec Toussaint Louverture. Toussaint Louverture dont nous offrez une biographie, Sudhir Hazarezing. Bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes historien, professeur de sciences politiques à Oxford, membre de la British Academy. Vous avez écrit, Sudhir Hazarezing, spécialiste de la France que vous êtes, avec un regard particulier sur certains de nos grands personnages, Napoléon, le général de Gaulle, et aujourd'hui Toussaint Louverture qui paraît chez Flammarion. La question est simple mais à la fois ardue, pourquoi Toussaint Louverture? Pourquoi lui et pas un autre? Alors je me suis toujours intéressé, comme vous l'avez dit, aux grands personnages historiques. Et ce qui me frappait beaucoup avec Toussaint Louverture, c'est qu'il faisait partie de ce panthéon, mais en même temps, il en était quelque peu exclu. Et donc, c'était cette histoire que je voulais raconter, à la fois celle d'un grand homme qui fait partie de la tradition révolutionnaire, mais qui en même temps a une relation complexe et parfois assez ambiguë avec cette tradition. Et c'est cette histoire que j'essaie de raconter dans le livre. Oui, et puis associé au mot histoire, il serait possible de dire épopée, parce qu'il y a un destin aussi avec Toussaint Louverture, un destin qui a un écho aujourd'hui. Avec nous également dans le cours de l'histoire, Éric Soret, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, avocat au barreau de Val d'Oise, vous êtes politologue, vous enseignez à Paris 13, et vous avez écrit des pièces, des essais, des romans, et Toussaint Louverture devient personnage où la mémoire de Toussaint est véhiculée par d'autres écrits. Éric Soret, vous êtes délégué à la culture et au patrimoine à Montmorency. Je voudrais que vous nous expliquiez ce lien. Il y a un lien étroit Toussaint-Montmorency, pourquoi ? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, le lien, c'est le rôle joué par Mathieu de Montmorency pendant la Révolution. Vous savez que Mathieu de Montmorency, issu d'une très très grande famille, a combattu pour l'indépendance des États-Unis aux côtés de Lafayette et il est revenu avec cette idée de liberté. et cette idée de liberté va prospérer, lui-même va contribuer à l'abolition des privilèges. Et toutes ces idées vont être reprises à travers la Société des Amis des Noirs, avec cette conception humaniste très importante. Et Toussaint Louverture va également profiter de toutes ces idées pour apporter sa contribution à, on va dire, à l'édifice, la construction de la République. Sidi Raza Rezing, justement pour présenter Toussaint Louverture, la lecture classique serait de dire « En France, une révolution abolit les privilèges », c'est ce que vient de rappeler Éric Sauret, et puis dans le même temps, l'esclavage est abandonné, il faut attendre quelques années, et dans les îles, à Saint-Domingue, il y a un soulèvement des Noirs, comme un mouvement général. En fait, en étudiant la vie de Toussaint Louverture, en lisant la biographie que vous lui consacrez, nous sentons que la chronologie fine est importante, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les îles précède l'abolition de l'esclavage en France par la Convention. Voilà, exactement. En fait, il y a une légende républicaine autour de l'histoire de l'abolition de l'esclavage qui tend à mettre l'accent sur la rupture entre l'ancien régime esclavagiste d'une part et la révolution abolitionniste d'autre part, et tend à souligner justement la prééminence institutionnelle et idéologique de la France. Alors, en fait, la réalité est tout autre. Ce ne sont pas les événements en France qui sont déterminants pour Toussaint et pour les esclaves révolutionnaires, mais la situation locale. Alors il faut rappeler que l'esclavage est d'abord aboli à Saint-Domingue en 1793 par le commissaire Sontonax, envoyé par les autorités françaises. Mais Sontonax le fait parce qu'il comprend que la situation française, la position française dans la colonie de Saint-Domingue est devenue intenable sans l'appui de la population noire qui réclame l'abolition. Et d'ailleurs, Toussaint se méfie de ses envoyés métropolitains car ils ne prennent pas position immédiatement eux-mêmes contre l'esclavage. Donc, ce qu'ils disent et ce qu'ils proposent n'est pas fait pour donner confiance aux révolutionnaires noirs. Donc, l'abolition a lieu d'abord à Saint-Domingue, et elle est ensuite entérinée en 1794 par la Convention. Toussaint Louverture est fils d'esclaves. Ses parents sont nés en Afrique. Hein. Ses parents sont nés en Afrique, ont été conduits pour être esclaves. Il est jeune homme esclave. Il fait le choix du soulèvement. Sidi Raza Rezing, comment expliquer ce choix à ce moment-là? Est-ce que c'est que Toussaint Louverture observe ce qui se passe en France, il se dit il y a ce mouvement vers la libération qu'il faut suivre. Comment se passe cet engagement? Alors, il faut être honnête et dire que nous n'avons pas de documents absolument fiables sur cette période de sa vie, donc nous ne savons pas exactement à quel moment il a basculé vers une pensée révolutionnaire. Mais je pense que la meilleure manière de répondre à cette question, c'est d'essayer de caractériser sa formation intellectuelle. Alors, dans les années et même dans les décennies qui précèdent la Révolution en 1789 et 91, Toussaint a une formation intellectuelle riche et diverse. C'est-à-dire que d'une part, il est vraiment imprégné de la culture africaine du peuple Alada. Il apprend la langue Huéfon et la culture politique, militaire et scientifique de son peuple. Il tient cela de son père, qui était un ancien grand notable du royaume. Ensuite, il a aussi beaucoup d'éléments de la culture natale de Saint-Domingue, le vaudou, ce qui reste de la culture des peuples amérindiens Téno, et aussi la culture catholique. Et puis surtout, il est imprégné d'éléments de la culture, de ce qu'on appelait la culture macandaliste, c'est-à-dire c'est la culture des esclaves rebelles qui s'était déjà manifestée à Saint-Domingue à partir du milieu des années 1750. Et donc ce sont toutes ces idées alliées au radicalisme des Lumières qui en quelque sorte prépare Toussaint Louverture à faire le grand saut en 1791. Éric Sauret, en écho à ce que vient de dire Sudhir Hazarezygne, il y a toute une réflexion à apporter sur cet héritage multiple de l'expérience républicaine à Saint-Domingue avec Toussaint Louverture. Une expérience bien souvent qui est résumée sur l'esprit des Lumières, etc., qui arrive jusque dans les îles. Or, la lecture que l'on peut faire aujourd'hui prend en compte d'autres réflexions. Et dans l'identité même, dans la lecture que l'on peut avoir de Toussaint Louverture, tout ça ne doit pas être mis de côté. L'esclavage est aussi porteur de sa libération. Les esclaves ont la conscience, la volonté qu'il faut se libérer. C'est quelque chose qui reste présent, qui doit être une clé de lecture de Toussaint Louverture. Oui, avec quand même quelques nuances. Toussaint Louverture est né, on va dire, entre guillemets, esclave, mais il n'a pas connu la vie d'un esclave. Pour plusieurs raisons. Il y a d'abord sa lignée, son ascendance, c'est-à-dire un grand-père roi ou prince au Bénin, chez les Alada, première chose. Deuxième chose, il est très talentueux. Donc assez vite, on découvre... Et on va retrouver dans la Constitution de 1801 cette notion de talent qu'il va utiliser pour progresser dans l'échelle sociale. Et grâce à cela, il va exercer plusieurs métiers, cocher, il va exercer également ce qu'on appelle la médecine, hein, il connaît le secret des simples, donc il soigne les personnes et il va soigner également les soldats. Et sa conscience révolutionnaire, on peut dire effectivement qu'elle naît au fur et à mesure, parce que avec les métiers qu'il exerce, il est un homme de l'administration coloniale en quelque sorte. Chez Bayon de Liberta, il est administrateur, il est utilisé et donc il connaît très très bien la machine coloniale. Première chose. Deuxième chose, il voit également les révolutions, en tout cas les mouvements révolutionnaires insurrectionnels. D'abord, le mouvement des Blancs. Parce qu'il ne faut pas penser que la révolution haïtienne arrive comme ça du jour au lendemain. Non, il y a eu plusieurs mouvements. D'abord, les Blancs de Saint-Domingue qui voulaient une autonomie. Toussaint Louverture étant très talentueux, ayant été affranchi très très vite, parce que là aussi c'est important, c'est-à-dire qu'il y avait un espoir. Quand on était né dans l'esclavage, à cette époque-là, on n'était pas condamné à rester esclave, à partir du moment où on pouvait faire preuve de talent. Et Toussaint Louverture va avoir donc cette conscience-là. Ensuite, il a appris à lire, et très vite, ce qui va forger son caractère, c'est la lecture de l'abbé Raynal. Toussaint Louverture va s'identifier à Spartacus. Et donc, on voit bien, on a l'Afrique, on a la France et on a Rome. Spartacus révolutionnaire. Donc lui, très vite, s'est dit, c'est ce que je veux être. C'est-à-dire celui qui se bat pour la liberté, celui qui va conduire la révolte, mais qui essaye, d'une manière ou d'une autre, de ménager les susceptibilités parce qu'il appartient à toutes ces cultures-là. La culture africaine, la culture française, la culture coloniale. C'est un homme multidimensionnel qui accepte tout. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la part, on va dire, il ne rejette rien. Et c'est ce qui va lui permettre, en quelque sorte, de réussir dans son combat. Effectivement, quand on évoque Toussaint Louverture, il est obligé d'admettre un talent, ne serait-ce que par le destin. Pour réussir à avoir un destin comme ça, il faut sans doute, évidemment, du talent. Sudhir Hazarezygne, vous avez étudié d'autres grands personnages, Napoléon par exemple, et dans la lecture... Toujours postérieure, il y a la construction d'une légende systématique sur les origines. Mmh. Évidemment, le grand homme ne peut avoir une enfance qu'une enfance exceptionnelle. Pour Toussaint Louverture, c'est également le cas où vous constatez, vous aussi, une forme de talent, un véritable talent. Puis surtout, une inspiration par des lectures particulières. Oui, c'est-à-dire que il est comme Éric Sauret vient de le dire, ses talents sont déjà reconnus par ceux qui administrent la plantation de Breda où ses parents sont mis en esclavage. Donc c'est ce qui lui permet de devenir très vite, de gravir très vite les échelons de la hiérarchie pour devenir le cocher de Bayon de Liberta, qui est le gérant de la plantation. Et donc, il a une remarquable capacité à assimiler des éléments intellectuel, culturel, et dans sa jeunesse, il est aussi quelqu'un qui monte à cheval de manière extraordinaire. L'un des épithètes avec lequel il est affublé, et il est le centaure de la savane. Donc c'est quelqu'un qui avait une capacité remarquable. Et ce qui frappe avec Toussaint Louverture, dans justement la construction de sa légende, c'est sa multidimensionnalité. Non seulement du point de vue de ce brassage ou ce métissage des cultures, mais ce qui me frappe beaucoup avec Toussaint Louverture, c'est la combinaison remarquable entre la théorie et la pratique. C'est quelqu'un qui était complètement capable d'intégrer et d'assimiler une science militaire, par exemple, qu'il apprend par lui-même. Contrairement à Napoléon, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'école militaire. Il apprend la science militaire sur le terrain. Et c'est ainsi qu'il se constitue pour lui-même une culture révolutionnaire, mais c'est une culture révolutionnaire qu'il apprend par l'expérience. Et c'est ce qui fait de cette culture l'une de ses forces. Une culture révolutionnaire qui reflète aussi l'aspect multiple de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture ne doit pas être réduit à celui qui a conduit les Noirs de Saint-Domingue à la révolte, parce que sa réflexion est beaucoup plus profonde, et notamment autour du régime instauré. Une réflexion autour de ce que doit être le régime. Ce sont deux choses vraiment différentes. Ce n'est pas la République qui conduit obligatoirement à l'abolition de l'esclavage. Une monarchie peut conduire à l'abolition de l'esclavage. C'est cette réflexion qui nous intéresse aussi, Sudhir Hazarezing. Pourquoi ce choix de la République? Qu'est-ce qui intéresse Toussaint Louverture dans ce régime, cette nouveauté à ce moment-là en France? Alors, ce que, il me semble, Toussaint prend bien volontiers de la République, et cela d'autant plus qu'il me semble que c'était quelque chose à laquelle il avait déjà beaucoup réfléchi lui-même, c'est l'idée de fraternité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force politique de Toussaint. C'est cette mise en œuvre concrète d'une République fraternelle et ouverte à tous. Alors, je dirais que la fraternité est le fondement de sa philosophie républicaine, et elle repose sur deux piliers. D'une part, l'unité des Noirs, l'unité du peuple noir, qu'il prêche inlassablement. Et d'autre part, et c'est aussi vraiment très important, la coexistence des Noirs avec les élites blanches et les gens de couleur. Donc, la fraternité, c'est aussi une manière de vivre, une manière concrète de vivre, qu'il tentera de mettre en pratique à Saint-Domingue à partir de 1796-1797, quand il deviendra effectivement le premier personnage politique de la colonie. Et ce qui est très frappant avec l'approche de Toussaint Louverture, c'est qu'il essaye toujours de trouver un terrain d'entente entre les différentes communautés et les différentes cultures, les différentes composantes ethniques, si je puis les décrire ainsi, de Saint-Domingue. Et donc, c'est cet idéal de la fraternité, qui repose évidemment sur le refus de l'esclavage aussi, qui me semble être constitutif de l'idéologie républicaine de tout ça. Oui, cet idéal de fraternité qui est essentiel, Éric Sorey. Nous entendons bien l'importance du contexte de l'île avec ces différentes communautés, alors surtout que là, à cette fin du XVIIIe siècle, il y a les Noirs, les Blancs, mais non, c'est beaucoup plus complexe. À l'intérieur de chaque communauté, il y a d'autres communautés, il y a les petits Blancs, les marins, et puis il y a les très riches, et pareil pour les Noirs. Cette réflexion sur la fraternité, j'ai envie de dire qu'elle parle encore aujourd'hui pour ce qui était à Saint-Domingue, ce qui est aujourd'hui Haïti. Elle parle encore parce que c'est ce qui permet justement de fédérer autour des deux idées fondamentales, la liberté et l'égalité. Vous ne pouvez pas entraîner les individus, les citoyens, dans une lutte pour la liberté, pour l'égalité, si vous ne leur faites pas comprendre l'idée de cette fraternité qui est essentielle. C'est une fraternité de combat, c'est une fraternité d'existence, c'est une fraternité aussi dans l'idéal. Et Toussaint Louverture, c'est cela. Et quand il le dit, il est sincère. D'abord par formation, par éducation, et puis aussi sans doute par son appartenance philosophique. Et quand il le fait, c'est important de bien souligner qu'il ne s'adresse pas uniquement aux Noirs, parce qu'on pourrait être tenté de dire, quand il parle de ses frères, qu'il parle aux Noirs. Non. Il parle aux colons, il parle aux métis d'Haïti, qu'on appelait les mulâtres, et surtout, il donne des gages concrets de son engagement sur ce concept de fraternité, c'est-à-dire, pour rédiger sa constitution, eh bien, les constituants sont français, espagnols, anglais, et figurez-vous que, de manière paradoxale, il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle de noir dans cette constituante, dans cette assemblée constituante. Tout simplement parce que Toussaint Louverture partait de l'idée qu'il avait besoin de rédiger un texte important qui lui permettait d'asseoir les bases du régime, faire en sorte effectivement que la République qui repose sur la liberté et l'égalité, que la République qui incite les individus à travailler, à combattre pour le bien commun, soit une réalité. Il a veillé à faire en sorte d'avoir autour de lui tous ceux qui pouvaient, d'une part, fédérer, inspirer confiance aux habitants, mais surtout, avec Toussaint Louverture, on est aussi dans une conception méritocratique de la nation. C'est-à-dire que pour lui, en tout cas de la République, pour lui, il n'est pas question de ne retenir que la couleur. D'ailleurs, il le dit dans la Constitution, la couleur ne donne le droit à rien. Ce qui donne droit à quelque chose, c'est d'abord les vertus, les talents, ensuite l'autorité légitime attribuée, conférée par la loi. Et Toussaint Louverture, c'est cela. C'est une république, je dirais, qui se respecte, qui se fait respecter, qui affirme les droits de l'homme, et puis surtout, bien entendu, comme l'a très bien dit M. Azarizing, l'abolition de l'esclavage, il ne veut plus en entendre parler. Pour lui, ce qui compte, c'est qu'à Saint-Domingue, on est, on vit et on meurt libre et français. Égaux. Les gens sont égaux. Et justement, Éric Sauret, en 1801, cette constitution que vous évoquez et qui nous parle encore aujourd'hui à vous écouter, quand Toussaint Louverture parle et proclame la constitution, il ne s'adresse pas à une catégorie de la population, il s'adresse au peuple de Saint-Domingue. Écoutez la lecture du discours de Toussaint Louverture, c'était sur l'ORTF dans l'émission Mémoire d'un continent en 1971. Peuple de Saint-Domingue, la constitution coloniale pour cette île importante vient de m'être remise par l'Assemblée centrale, composée de législateurs qui, en vertu de ma proclamation du 16 pluvios dernier, se sont réunis pour établir les lois qui doivent nous régir et nous gouverner. Je l'ai lue avec attention, cette loi, et persuadé qu'elle doit faire le bonheur de mes concitoyens, puisqu'elle est fondée sur les bonnes mœurs, sur les localités, et principalement sur la religion, je l'approuve. Mais, quand je considère que je suis chargé de faire exécuter ces lois constitutionnelles, je vois que ma tâche est plus pénible que n'a été celle des législateurs. Pour moi, je promets à la face du ciel de faire ce qui dépendra de moi, si Dieu le permet, pour conserver l'union, la paix et la tranquillité publique, en conséquence, le bonheur de mes concitoyens. Le bonheur de mes concitoyens, la notion de bonheur si importante au XVIIIe siècle, et XVIIIe siècle, début XIXe siècle, il y a toute une réflexion sur le régime à adopter qui ne se limite pas à simplement un petit changement constitutionnel. Là, ce sont des réformes majeures, su dire Azarizing. Toussaint Louverture étant constant dialogue avec ce qui se passe en France. C'était un aspect sur lequel il faut insister parce que cette expérience dans les îles d'une république est en écho constant avec ce qui se passe en France. C'est un écho constant, c'est vrai, mais en même temps, et malheureusement pour Toussaint et les révolutionnaires de Saint-Domingue, à partir du milieu des années 1790, il y a quand même un décalage. C'est-à-dire qu'au moment même où le pouvoir de Toussaint et l'idée de cette république multiculturelle, pour utiliser une expression anachronistique, prend corps à Saint-Domingue, le cours de la Révolution en France prend un tournant beaucoup plus conservateur qui va se terminer non seulement par le pouvoir napoléonien, mais par le rétablissement de l'esclavage dans les colonies. Donc, il faut toujours avoir en tête, lorsqu'on pense à la trajectoire de Toussaint, surtout pendant les dernières années, et aussi, justement, pourquoi il a pensé que c'était nécessaire d'avoir une constitution, il faut toujours avoir en tête que l'une de ses priorités, c'est d'empêcher le gouvernement français et les autorités françaises napoléoniennes de réimposer l'esclavage sur le peuple de Saint-Domingue. Et c'est la raison fondamentale et essentielle pour laquelle il juge nécessaire de rédiger cette constitution. Donc, c'est vrai qu'il y a des échos entre la France et Saint-Domingue, mais lorsqu'on parle de la constitution, c'est surtout pour Toussaint Louverture un moyen d'empêcher la catastrophe absolue pour lui, qui serait le rétablissement de l'esclavage, qui est prôné activement par certains éléments de ce qu'on appelait à l'époque le lobby colonial qui gravite autour de Napoléon Bonaparte. Oui, c'est, quand on étudie Napoléon, une question que l'on entend sans cesse depuis maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Napoléon a rétabli l'esclavage et la question se pose légitimement. Mais Sudhir Hazarasinghe, il faut bien insister là-dessus, ce n'est pas un homme qui rétablit à lui seul l'esclavage. En tout cas, il est dans un mouvement plus général, celui du lobby colonial qui demeure très important en France. Qui en fait était affaibli dans les premières années de la Révolution française et qui évidemment prend un coup terrible avec l'abolition de 1794. Mais à partir de 1795 et sous le Directoire, ce lobby colonial n'a qu'une idée en tête, c'est d'influencer les législateurs pour qu'éventuellement ils puissent arriver à une situation où soit l'esclavage serait rétabli par la loi, ou bien, et d'ailleurs c'est ce qu'ils avaient déjà pu accomplir dans la pratique, elle serait une réalité dans les faits. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce mouvement autour de Napoléon et avec lequel il doit composer. Mais je pense que Napoléon a quand même une responsabilité assez importante. Plus tard, il dira que c'était Joséphine qui avait insisté auprès de lui pour que l'esclavage soit rétabli. Mais en fait, lorsqu'on lit toutes les choses qu'il a dites, qui sont d'ailleurs assez contradictoires, notamment les choses que Napoléon dit à Sainte-Hélène, on voit que Napoléon hésitait. C'est-à-dire que certains de ses conseillers lui disaient que Toussaint Louverture était l'homme le plus fiable pour le pouvoir français à Saint-Domingue et qu'il devait essayer de trouver un compromis avec lui. Et ce compromis était toujours possible, même jusque vers le milieu de l'année 1801. Mais ce qui a prévalu en fin de compte, c'était la puissance de ce lobby colonial. Et aussi quand même, ce qui a prévalu sur Napoléon, c'était l'idée que personne ne pouvait s'interposer ou empêcher qu'il puisse accomplir sa propre destinée. Et, oui, et donc, Toussaint Louverture était un obstacle. Et l'obstacle est renversé. Et oui, il est renversé en juin 1802. Toussaint, même sa famille, sont capturés. Ils sont déportés en France. Toussaint Louverture renversé. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue le tronc de l'arbre de la liberté. C'est un extrait d'un film. Film de 2012, Toussaint Louverture. En me renversant, on n'a abattu que le tronc d'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Et aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, personnage héroïque, personnage légendaire, mais surtout personnage historique qui concrètement a mis en place une expérience républicaine à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Je vous propose la lecture par Marius Gotin sur une musique de Chico Simeone d'un texte d'Aimé Césaire sur Toussaint Louverture. Ce qui est à moi aussi, une petite cellule dans le Jura, une petite cellule. La neige la double de barreaux blancs. La neige est un geôlier blanc qui monte la garde devant une prison. Ce qui est à moi, c'est un homme seul emprisonné de blanc. C'est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche. Toussaint. Toussaint l'ouverture. C'est un homme seul qui fascine l'épervier blanc de la mort blanche. C'est un homme seul dans la mer inféconde de sable blanc. C'est un moricaud, vieux dressé contre les eaux du ciel. La mort décrit un cercle brillant au-dessus de cet homme. La mort étoile doucement au-dessus de sa tête. La mort souffle folle dans la canée mûre de ses bras. La mort galope dans la prison comme un cheval blanc. La mort luit dans l'ombre comme des yeux de chat. La mort hoquette comme l'eau sous l'écaille. La mort est un oiseau blessé. La mort décroît. La mort vacille. La mort est un pâturage ombrageux. La mort expire dans une blanche mare de silence. L'ouverture sur un texte d'Aimé Césaire, lu par Marius Gotin, une musique de Chico Simeone, c'était en 2003. Et nous venons de l'entendre aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Père et Legras avec, à la technique, Alex Dang. Aujourd'hui, Toussaint l'ouverture, tropique républicain. Toussaint l'ouverture, homme de légende ne serait-ce que par son destin. Et ce destin est trop sinistre, dur, sombre. Nous avons évoqué tous ces combats, cette montée, la lutte contre l'esclavage, la réflexion du meilleur régime à adopter pour Saint-Domingue, pour assurer l'égalité, la fraternité, et puis l'opposition à Napoléon, qui conduit à l'arrestation de Toussaint l'ouverture et à sa mort. En 1803, en France, dans le Jura, enfermé au fort de Joux, dans une construction d'image qui est reprise ensuite, mais qui correspond à cette réalité de destin très dur. Éric Sauret, la mort de Toussaint l'ouverture fait complètement partie de son histoire, de sa légende. C'est le chemin vers le martyr. Oui, alors, très vite, ce qu'on retient, c'est, et pour les jeunes qui nous écoutent, c'est que cet homme qui est né, entre guillemets, je mets toujours des guillemets, esclave, eh bien, fini général de division de l'armée française, fini gouverneur, c'est un poste éminent de l'administration coloniale. Et quand il se retrouve donc au fort de Joux avec ce statut de martyr, on se dit que oui, on a là l'affrontement entre deux conceptions de la République. Une conception ouverte qui est celle de Toussaint l'ouverture, une conception universelle et puis une conception... Alors, je ne dirais pas qu'elle n'était pas universelle, celle de Napoléon Bonaparte. Je dirais qu'elle était un peu particulière, peut-être partisane. On a parlé des clubs. Il faut savoir que le club Massiac, qui était le club des colons, était combattu par l'autre France, qui est la France de la Société des Amis des Noirs. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et quand Toussaint l'ouverture meurt là-haut, au fort de Joux, ce qu'on voit, c'est un martyr. Mais c'est à ce moment-là également que la légende commence. C'est à ce moment-là qu'on commence à prendre conscience que la République est universelle, que la République a porté un message qui a été compris, véhiculé, porté par d'autres et qui ont rencontré des obstacles. Mais ces obstacles n'ont pas été suffisants, je dirais, pour empêcher la circulation des idées, des vraies idées, liberté, égalité, fraternité. Et Toussaint l'ouverture au fort de Joux, c'est une image terrible, mais en même temps, allez, disons-le, sans le fort de Joux, je ne suis pas certain qu'il aurait cette image, cette place dans l'histoire qui lui a été donnée par Wendell Phillips et bien entendu par Victor Schœlcher. Sidi Azarezing, sur cette image, cette légende de Toussaint Louverture, c'est vrai qu'il y a un destin. Hein. Vous écrivez Toussaint Louverture, c'est publié chez Flammarion. Ce destin est à raconter et cette narration du destin explique pourquoi très vite Toussaint Louverture est devenu une légende et au-delà du fait qu'il ait conduit les Noirs de Saint-Domingue à l'émancipation. Oui, voilà. Toussaint prend sa place comme symbole presque quasiment universel dans la lutte contre l'esclavage et pour la reconnaissance de l'égalité, la fraternité et la dignité humaine. Mais aussi, ce qui est frappant, c'est que Toussaint devient aussi une icône au XXe siècle pour tous les peuples qui luttent contre le colonialisme et pour le principe de l'autodétermination. Donc, il y a une trajectoire vraiment exceptionnelle de Toussaint. Au XIXe siècle, c'est vraiment le combat contre l'esclavage où Toussaint figure comme modèle, si je puis dire. Il est la référence non seulement pour les gens aux États-Unis, mais aussi pour les esclaves eux-mêmes. Et nous avons maintenant beaucoup d'études qui montrent qu'au Venezuela, en Jamaïque, à Cuba, lorsque les esclaves se révoltaient, ils citaient la révolution haïtienne et ils citaient parfois spécifiquement le nom de Toussaint Louverture. Et au XXe siècle, évidemment, nous venons d'entendre cette magnifique archive sonore sur Aimé Césaire, mais il y a aussi C.L.R. James, Frantz Fanon et toute une tradition anticoloniale qui parle de Toussaint Louverture comme d'une figure qui marque cette tradition d'anticolonialisme. Toussaint Louverture est un homme connu. Il y a des ouvrages publiés par sur Toussaint Louverture, et puis il y a les ouvrages de Toussaint Louverture. Il a laissé des écrits. Sudhir Azarezing, vous emparez d'un tel personnage. Évidemment, l'historien que vous êtes part à la recherche des sources. Et j'allais dire étonnamment, vous avez trouvé des choses que l'on ne connaissait pas sur Toussaint Louverture. C'est-à-dire que, bien souvent, les mêmes choses ont été répétées pendant des décennies, et vous avez eu cette démarche d'historien de retourner aux sources. Voilà. Ce que je voulais faire dans ce livre, avant tout, c'était de redonner la parole à Toussaint. Parce que nous avons la chance d'avoir, et en majeure partie, justement, dans les archives d'outre-mer à Aix, un fonds remarquable de lettres, de rapports, d'articles, c'est-à-dire tout un fonds préparé et écrit par Toussaint Louverture qui date entre 1795 et 1802. Et donc ce sont ces archives-là que j'ai utilisées pour lui redonner sa voix à lui. Et c'est vrai que dans l'historiographie française, on a eu tendance à plutôt écrire d'un point de vue différent ou surtout de citer les gens qui étaient autour de lui et qui n'avaient pas nécessairement une vision, disons, positive de Toussaint. Donc moi, j'ai voulu inverser la chose et redonner parole à Toussaint. Eh bien justement, nous allons écouter Toussaint Louverture. Toussaint Louverture qui, en février 1802, écrivait à Napoléon. Et celui qui lit cette lettre n'est pas n'importe qui. Il est né à Port-au-Prince, donc à Haïti. Il est membre de l'Académie française. C'est Dany Laferrière, lettre de Toussaint Louverture à Napoléon. Les États-Unis d'Amérique ont fait comme nous. Et avec l'assistance du gouvernement français, ils ont réussi à consolider leur liberté. Mais répondez-vous, il y a des défauts dans votre constitution. Je le sais. Quelle constitution et quelle institution humaine surtout en est exempte. Néanmoins, je suis persuadé que le système que vous avez adopté pour votre république ne peut garantir d'une manière plus certaine la liberté individuelle ou politique, la liberté de la presse, ni les droits de l'homme. Si le peuple ne jouit pas ici de toute la liberté qu'on trouve sous d'autres gouvernements, il faut en chercher la cause dans sa manière de vivre, dans son ignorance et dans la barbarie inséparable de l'esclavage. Dany Laferrière de l'Académie française qui lit une lettre de Toussaint Louverture à Napoléon, une lettre de février 1802. Dans cet extrait, nous entendons toujours cette préoccupation de Toussaint Louverture pour l'égalité. Et Toussaint Louverture, en gros, dit « mais la République était le meilleur régime pour assurer l'égalité, la fraternité dans les îles, donc Saint-Domingue aujourd'hui, Haïti ». Puis, il y a aussi une conscience sociale. Éric Sauret, cette conscience sociale de Toussaint Louverture est un élément qu'il faut prendre en compte. La République et la démocratie ne fonctionnent que si l'ensemble de la population est apte à participer. Oui, et surtout si la population a des droits. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette constitution de 1801, dont on a beaucoup parlé, eh bien, il décline l'ensemble des droits de l'homme. Et sur ce point, il est en avance sur beaucoup d'autres leaders politiques. Et la société de Saint-Domingue, parce qu'on n'est pas encore à Haïti, parce qu'on est en 1801, est en avance. Et c'est aussi une des caractéristiques de Toussaint Louverture. Il est en avance. Et c'est pour la raison pour laquelle Leslie Maniga, qui est un grand historien haïtien, un ancien président de la République, disait toujours que Toussaint Louverture est toujours actuel, toujours moderne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de grand leader dans l'histoire des peuples sans faire référence au combat de Toussaint Louverture. Et la conscience sociale consiste à dire aux habitants « Vous avez des droits pour une chose, c'est pour le bonheur ». Et l'idée du bonheur dont on a parlé, qui est une idée qu'on a été chercher chez Bentham, qu'on a utilisée dans toutes les constitutions d'Haïti, eh bien, va être une idée matricielle dans le reste de l'Amérique latine. Que ce soit chez Miranda, que ce soit chez Bolivar, on va essayer de faire en sorte que cette idée qui a été reprise, conceptualisée par Toussaint Louverture et d'autres, soit une réalité. Et la conscience sociale, c'est cela. On appartient à un territoire, à l'époque pour Toussaint Louverture, c'était le territoire français, il n'y a pas de doute là-dessus. Néanmoins, ce territoire a le droit à des lois particulières et les habitants, à partir du moment où ils disposent de vrais droits, eh bien, doivent travailler pour leur liberté, bien entendu, mais surtout pour le bien public. Et la conscience sociale, c'est d'abord ça. Et bien entendu, le respect de l'autorité légitime. Dans ce message universel que vous évoquez, Éric Sauret, il y a ce double sens de l'universel, c'est-à-dire en 1801, valable pour tout le monde. Il ne parle pas qu'à un peuple, ses idées républicaines sont valables pour tout le monde, et puis universel au sens où ça nous parle encore aujourd'hui. Sudhir Hazarezing, dans votre biographie de Toussaint Louverture chez Flammarion, il y a un beau cahier iconographique avec des statues de Toussaint Louverture. Alors ici, une au Bénin, ici, une à La Rochelle, ici, une à Montréal, et puis une autre hein, au Fort de Joux dans le Jura. Au moment où il y a un problème autour des statues dans l'espace public, un problème bien souvent légitime, une contestation de certaines personnes mises en avant, vu qu'elles parlent sur la mémoire construite autour de ces gens-là particulièrement, vous proposez en fait une autre lecture de personnages à mettre en avant dans l'espace public. Oui, voilà, parce qu'il me semble que parler de Toussaint, c'est aussi une manière de parler de la mémoire coloniale et aussi parler de l'oubli colonial, parce que il y a une dialectique entre ces deux éléments. Et ce que Toussaint nous permet de faire, c'est de revoir de manière plus équilibrée notre histoire coloniale. Et je pense qu'il y a un même travail à faire en Grande-Bretagne, pour que nous puissions voir non seulement ceux qui ont administré les colonies et qui faisaient partie de l'élite européenne, mais ceux qui étaient sur le terrain et qui ont œuvré pour le bien public, mais qui l'ont fait sans souvent être remarqués. Et derrière la figure de Toussaint Louverture, nous avons en fait tous les hommes et les femmes de progrès qui ont travaillé pour que cet idéal républicain puisse se concrétiser dans la réalité. Et je pense que c'est quand même tout à l'honneur de la tradition républicaine française que, c'est vrai, d'une part, Toussaint est mort en martyr au Fort de Joux en 1803, mais c'est la République française qui inaugure une plaque en son honneur au Panthéon en 1998. Il y a là un juste retour aux choses. Et nous avons non seulement des statues à l'honneur de Toussaint Louverture, aussi à La Rochelle et à Bordeaux, mais aussi des rues, des avenues Toussaint Louverture. Il y a des écoles qui sont nommées après lui. Donc, il fait partie de l'espace public et ce n'est que justice. Ce n'est que justice, Éric Sauret. Sur cette place que doit avoir Toussaint Louverture ou globalement ceux qui ont porté des idées que nous défendons encore aujourd'hui. Toussaint Louverture est constitutif de notre histoire commune vu qu'il porte des valeurs universelles. Toussaint Louverture, c'est la France. C'est la France. Il a toujours combattu pour la France et il a choisi la France. Parce qu'il faut juste rappeler qu'au départ, il servait l'Espagne. Mais il avait compris que l'Espagne n'était pas totalement au service de la liberté et que la France l'était. Et c'est la raison pour laquelle il a changé de camp. Première chose. Et Monsieur Azarizing m'a devancé dans l'idée, par rapport au Panthéon. Là-dessus, la République a été exemplaire. Néanmoins, il revient aux citoyens, aux historiens, de faire leur part, de le dire. Parce qu'on a souvent tendance à dire que la République ne récompense pas tous ses enfants. Alors, sans doute, parfois, elle le fait sous forme de rattrapage. Pour Toussaint Louverture, il ne peut pas y avoir de rattrapage, parce que c'est la France qui donne à tous les enfants de ce pays un espoir. De dire que ces idées qu'on a l'impression qu'elles sont impossibles d'intégration, d'assimilation, ce n'est pas vrai. C'est possible, à condition eh bien, que la République reste sur ses piliers, ses fondamentaux, liberté, égalité, fraternité, les vertus, les talents, eh bien, tout le monde peut y arriver. Toussaint Louverture l'a fait, il n'est pas le seul. On pourrait parler d'autres personnages, mais la France c'est aussi cela, et il nous revient de le dire, et il revient à la France eh bien, de nous donner l'occasion de le dire, et c'est fait. Et voilà, et, ben, et France Culture est là pour ça, les historiens, les historiennes sont là pour ça, d'où la biographie de Toussaint Louverture chez Flammarion. Merci beaucoup Sudhir Azarizing d'avoir été avec nous ce matin, et puis d'autres moyens, d'autres vecteurs d'histoire, c'est ce que vous faites Éric Sauret, notamment par le théâtre, hein, vous êtes l'auteur de Fort de Joux, avril 1803, Toussaint Louverture face à Napoléon, une rencontre. Ben voilà, être vecteur d'histoire permet de réfléchir à l'histoire. Merci beaucoup à vous de nous avoir parlé aujourd'hui de Toussaint Louverture. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Kien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, on fait le plein, une histoire du pétrole. Absolument. Après les multiples expressions d'émoi liées à l'effondrement des cours du pétrole pendant le confinement, un petit détour par l'histoire s'imposait. Comment ces indices sont-ils devenus le baromètre de l'état du monde ? Le roman graphique de Pecot et Blanchard, La malédiction du pétrole, qui retrace l'histoire mondiale de l'or noir, ou comment le pétrole s'est imposé à tous sur la planète, nous donne quelques pistes. Encore une nouvelle crise, un nouveau choc, c'est la contre-attaque de l'Arabie Saoudite après le nom des Russes pour baisser la production de pétrole. Le pays a en effet décidé de lancer une guerre des prix pour punir la Russie. Pour peser sur les cours, l'Arabie Saoudite va augmenter sa production au-delà de 10 millions de barils par jour d'ici le mois d'avril. Après cette annonce, les cours du pétrole se sont effondrés en Asie ce matin. Le WTI est à moins de 30 dollars le baril, celui du Brent à moins de 33 dollars. Leurs prix ont chuté de presque 30%. Une nouvelle crise qui s'ajoute aux précédentes. Les marchés asiatiques dégringolent. On est à moins 6% à Tokyo, moins 3% à Hong Kong et à Shenzhen. On fait le point tout de suite avec... L'histoire commence avec la conquête, la découverte et les premiers duels industriels du 19e siècle. Avec l'épopée des frères Nobel à Bakou et la saga dynastique des Rockefeller en Pennsylvanie. Deux pôles d'une histoire qui s'écrit en Russie et aux États-Unis par des inventeurs, investisseurs, aventuriers qui transforment le monde pour atteindre leur but, extraire cette nouvelle matière précieuse qui va changer le visage de l'industrie et de notre quotidien. Pourquoi c'est pas encore à moi ? Je suis prêt à vous offrir 3 700 $. Non, il y a du pétrole ici, ça a sûrement de la valeur. Combien tu voudrais, Ellie ? Mon fils est guérisseur. Il est habité par le Saint-Esprit. Il a une église. Oh. Je t'entraînerai dans les lampes et tu y seras maudit pour l'éternité. Vous ferez un pipeline. à marcher avec les gnonnoles. On gagnera enfin notre vie, on s'en mettra plein les poches, on touchera notre dû. La malédiction du pétrole est un récit à charge, comme vous l'aurez deviné. Ces pages recrachent l'histoire comme une marée noire pour décrire la géopolitique du pétrole qui s'invente et la façon dont elle enrobe progressivement tous les espaces, scientifiques, financiers et sociaux. Une matière première qui s'impose et prend le dessus dans les stratégies des deux guerres mondiales. Si la première commence à cheval, elle se termine avec des tanks et des avions, tandis que la deuxième est largement guidée par l'appât de ces zones d'approvisionnement devenues vitales à la puissance des États. Tous les jours, la prise de conscience des dégâts climatiques est plus aiguë. Là, on parlait de cette carte publiée hier par l'Agence européenne de l'environnement qui montre qu'avec la montée des eaux, des villes comme Dieppe, Bayonne, Nantes, mais aussi le tunnel sous la Manche seront régulièrement inondées d'ici la fin du siècle. Et donc, face à ces dégâts, eh bien, les opinions publiques vont demander des réactions toujours plus fortes. Et donc, oui, écrit le FMI, la fin du pétrole pourrait arriver plus vite que prévu. L'histoire du pétrole, largement dominée par les grandes puissances occidentales, est aujourd'hui annoncée comme obsolète. Elle a modelé des vies humaines et la géopolitique bien avant la guerre froide et constitue le marqueur d'une civilisation qui cherche toujours à en inventer une autre. Merci beaucoup Anaïs. La malédiction du pétrole, c'est aux éditions Delcourt. Et puis pour toutes les informations, il n'est qu'à consulter la page du Journal de l'Histoire et les podcasts sur notre site franceculture.fr. Éric Serret, je reviens vers vous. Nous avons parlé de Toussaint Louverture, nous avons fait une histoire d'homme. Vous êtes l'auteur de Claire, Catherine et Défilé, les trois femmes les plus puissantes d'Haïti. Ce regard que vous avez porté sur les femmes est important. Alors là, on n'est plus avec Toussaint Louverture, on est avec son successeur, j'ai envie de dire, Dessalines. Mais pourquoi parler des femmes ? Parce que elles ont joué un rôle capital dans l'indépendance d'Haïti, dans la construction de l'État, à partir du moment où Jean-Jacques Dessalines a créé l'État d'Haïti, et puis parce que après la mort de l'empereur, eh bien, il y a une femme qui a joué un rôle considérable, qui a défilé. C'est-à-dire que l'empereur a été assassiné. Et défilé va être une sorte d'Antigone parce qu'elle va ramasser le corps pour l'enterrer. Donc on est dans notre tradition chrétienne, c'est-à-dire de nos morts doivent avoir une sépulture. Et puis, il y a Catherine Flon dans les personnages. Catherine Flon a cousu le drapeau d'Haïti. Autrement dit, aujourd'hui, on a l'impression que les femmes n'ont pas de rôle suffisamment important dans la politique. On revient en Haïti, on est à la fin du 18e siècle, début 19e siècle, les femmes ont des rôles politiques de premier plan. Voilà, je voulais que vous le souligniez, donc merci beaucoup à vous Éric Serret. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Judès, Odile Joessel, Valentine Lovrin, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou, à réécouter sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr.